Après cette pause, inclinons nos têtes maintenant et prions. Vous qui avez vos portables, soit vous éteignez, soit vous mettez ici pour enregistrer. C'est pas bon quand on soit en train d'enseigner et que ça sonne. Ça déconcentre les gens. Parce que si vous étiez à côté du préfet, ou dans une réunion de sous-préfet, où il y a le gouverneur, on ne peut pas laisser ce numéro de téléphone devant lui. Mais nous venons ici comme ça pour le Seigneur Jésus, qui dépasse les rois humains. Mais d'autres sortent pour aller répondre le coup du fil. Alors que si on est avec le gouverneur, on ne peut pas sortir devant lui, comme ça. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Quand vous êtes dans une réunion où il y a le gouverneur, vous pouvez sortir pour aller répondre au coup de fil et rentrer. Et pourquoi donc pour le Seigneur Jésus on fait comme ça? Donc vous voyez qu'on a beaucoup d'actes de repentance. Parce qu'on manque de respect au Seigneur Jésus, on ne sait même pas qu'on est en train de manquer de respect. Donc quand vous venez à la prière, éteignez votre téléphone. Parce que ce moment, c'est le moment de communier avec le Seigneur. Et rien ne doit vous empêcher. Vous avez toute la journée, toute la nuit avec le téléphone. Et même lorsque vous vous rassemblez, vous avez toujours le téléphone. Donc il faut qu'on soit délivré de l'esprit du téléphone. Vous êtes d'accord, non? Je crois que quelqu'un venait garder son téléphone en train de sonner ici. Il faut mettre le téléphone en mode avion pour enregistrer. Vous coupez la ligne. Avant de lancer le l'enregistrement. Et souvenez-vous, comme vous êtes en train de m'enregistrer comme ça, c'est comme ça qu'on a nous enregistrer ici, dans l'esprit. Dans le ciel est témoin de ce qui est en train de se passer ici. De la même façon que quand je vais partir, vous allez mettre ces voix-là, écouter les mêmes choses qu'on a faites. Devant le trône du Père, on va se jouer ce moment-ci. Et toutes les pensées vont se révéler là-bas. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 2, verset 16, il dit c'est ce qui paraîtra selon mon évangile au jour du jugement, où Dieu va juger les actions secrètes des hommes. Donc il n'y a rien qu'on va lui cacher. Les pensées vont être dévoilées. Et tout ce qu'on cachait dans les ténèbres vont être dévoilées. Je crois qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas encore là, y compris même le frère Hervé avec qui je suis venu. Donc on va prier. Mais avant qu'on ne prie, il faut qu'on entre dans la parole. Tout ce qui peut vous exhorter de faire maintenant, c'est de rester en prière dans vos cœurs. Seigneur, agis pour moi. Parce qu'il me tient devant vous en tant qu'un être humain. Je ne peux rien faire pour vous. Lui, il peut faire. Souvenez-vous de ce qu'on a vu hier. Il a traversé au milieu des gens. Il allait trouver un homme. Il a relevé là-bas. Il y a même des gens qui n'étaient même pas des juifs. Un militaire en plus. Il dit maître, j'ai des autorités, des gens sous mes ordres. Quand je dis à l'un va et il va, à l'autre vient et il vient. C'est pour cela je ne me suis pas cru digne de venir vers toi. Je ne veux pas que tu viennes chez moi. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Le Seigneur s'est tourné. Il a dit même en Israël, je n'ai pas vu ce genre de foi. Donc quelqu'un qui n'est pas d'Israël, il sait que si Jésus-Christ prononce un mot, ça va agir. Alors qu'il est à distance. Souvenez-vous, on a lu également dans la première partie ici que le Seigneur a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Et la diction se rassemble en son nom. Il est au milieu de nous. Il faut qu'il trouve seulement la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. S'il y avait la possibilité, en tant qu'être humain, d'enlever votre mal, Je le ferai. Mais je n'ai pas la possibilité. La possibilité que j'ai, c'est de vous présenter celui qui le fait. C'est la seule là-bas. Si quelqu'un dit qu'il peut vous enlever votre maladie, c'est un marabout. Vous comprenez? Donc, ce que nous avons à faire, nous les prédicateurs, c'est de présenter de la bonne façon le Seigneur Jésus. Et lui, il entre en scène. C'est ce qu'on fait. On amène vos cœurs devant l'autel, devant le trône de grâce, pour que vous soyez secourus dans vos besoins. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce que vous pouvez prier, vous priez mal. On est là maintenant pour vous dire comment prier, pour que la prière soit accessible au Seigneur. Voilà ce qu'on fait. Donc il ne peut pas tourner quelque chose pour vous donner que non, regardez si ça va vous protéger. Si quelqu'un vous fait ça, c'est un sorcier. Que prends le caillou, mets dans ta poche, ça va te protéger. C'est les magiciens qui font ça. Le Seigneur Jésus-Christ veille sur ses enfants. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Donc ce que nous avons à faire, c'est seulement de craindre Dieu. Le reste, il s'en occupe. Vous comprenez? Donc pendant que vous êtes calme dans votre coin là, dans votre cœur, contactez-le. Contactez-le. Seigneur, mon mal, tu connais ma situation. Je veux que ça s'arrête. Il le fera. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Même si on n'est pas d'accord, c'est l'écriture ça. C'est ce que l'écriture enseigne. Donc vous voyez, je suis exactement comme vous. Mais il faut que je vous amène devant son trône de grâce. C'est pourquoi il vous présente les écritures. Parce que la guérison se trouve dans sa parole. Dans le psaume 105, le verset 20, il dit qu'il envoya sa parole. Et sa parole l'est guérie. La parole. Ça guérit. Donc on va commencer dans cette deuxième partie. S'il y a quelqu'un qui a encore des témoignages, on prend. Tout ce que ça ne fait, c'est le temps que les autres viennent. Ne veux pas qu'on commence à prier avant que les gens entrent. Il y a des questions également. Je vois qu'il y a des gens qui ont mis le téléphone ici qui continuent à sonner. Ça va couper l'enregistrement. Donc, il faut qu'ils mettent ça sur mode avion. Donc, s'il n'y a pas de témoignage, si, il croit qu'il y a. Même la personne qui avait posé la question la première partie est partie. Donc, ça ne sert à rien de répondre à sa question. Maintenant, écoutez. Tous les enseignements que vous recevez là, avec les autres encore, sont disponibles. Je vais laisser ça aux frères. Et vous pouvez apporter votre téléphone et vous mettre ça dedans. C'est gratuit. Absolument gratuit. Vous allez vous mettre cela dedans. Et si vous prenez cet enseignement-là, n'allez pas vendre, s'il vous plaît. Parce que je suis allé à Bafoussam. J'ai prêché là-bas sur la radio. Il y a des gens qui ont écouté à la radio à Bafoussam. Les gens qui font la discothèque, qui jouent la musique. Ils ont pris les enseignements qu'on a fait là-bas. Ils vendaient ça aux gens 100 francs. Quand j'ai entendu, ça a été choqué. Parce que les personnes qui ont pris ça ont contacté les frères qu'on a laissés là-bas. Ils disent que ces enseignements m'ont beaucoup touché. Je vais encore un autre. Alors on lui a demandé comment tu as fait pour avoir. Ils nous ont dit qu'on allait voir un homme là-bas. Ils nous ont vendu ça à 100 francs. Celui-là, je ne le connais pas. Mais il a de vendre ma voix à 100 francs. Ça, c'est la malédiction comme ça. On ne va pas vendre des choses de Dieu. Donc vous allez prendre, c'est gratuit. Même si vous avez, ça dépend de votre capacité, vous avez le pour on vous met les enseignements pour que vous soyez édifiés. Donc c'est disponible. J'ai déjà laissé ça aux frères. Tous les enseignements qu'on enseigne, c'est partout. Je lui ai laissé cela pour qu'il vous distribue. Si quelqu'un veut, il le contacte, il lui donne. C'est pour vous. Et vous aussi, si vous écoutez, ne gardez pas pour vous. Si Dieu vous met à cœur de donner à quelqu'un, donnez aussi. Mais ne vendez pas. Parce que vous n'avez pas reçu quoi que ce soit en payant. Donc ne prenez pas les choses de Dieu pour de l'argent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse vraiment. Je crois que le frère est venu enfin maintenant. Avec le frère. Donc c'est le frère Bertrand qui est dehors, qui est entré là. Il a les enseignements avec lui. Donc, vous, vous voulez qu'il mette dans le téléphone, il met dans le téléphone. Vous allez écouter. Et si vous avez des questions, il y a le numéro de téléphone là-bas. Vous appelez, si vous n'avez pas de crédit, bipez seulement, vous envoyez. On va vous appeler. On va répondre à toutes vos questions. Que Dieu vous bénisse. Et s'il arrive que vous m'aimez et que vous voulez qu'il vienne ici plus une fois encore, je viendrai. Si on dit que c'est la dernière fois qu'il met les pieds ici, il n'y a pas de problème. Mais même si vous dites que c'est la dernière fois, souvenez-vous que je vous aime. Et que je vous laisse dire la vérité. Et vous êtes entré dans mon cœur de façon particulière. Parce que pour une première fois depuis que j'ai vu quelque chose se passer. Et c'est qui s'est passé si hier, je n'ai jamais vu ça depuis que j'ai prêché. Voilà. Donc on va partager dans la parole et puis on va aller dans la prière. À moins que quelqu'un ait une préoccupation particulière. Donc pendant que ça n'est pas allé, sentez-vous libre de poser les questions. Parce que très souvent, quand on prêche, vous avez des questions, vous ne pouvez pas poser. Je suis là maintenant, posez toutes vos questions. Oui, mon cher frère là. Oui, il a posé la question sur la dîme, mais il est parti. Je crois qu'il y a les enseignements concernant cela sur la dîme, bien détaillés. Il va vous distribuer si vous le voulez. Oui, mon cher. Ma question était sur la différence entre l'offrande, oui. Le monde, oui. La dîme, oui. Le sacrifice, oui. Bon. Les actions de grâce. Effectivement. Il y a des enseignements pour tout cela, concernant tout cela. Il est possible que le chrétien, oui, paye la dîme encore à nos jours et l'offrande. Si je reprends la menace, c'est que les gens ne vont plus venir. Donc mieux, on les laisse d'abord tranquilles comme ça, demain ils viennent. Au mieux, le dernier jour, ils disent ça et puis je pars. Il ne faut pas qu'on dise trop de vérité le même jour comme ça, n'est-ce pas? Ou bien on dit tout une fois. Non, on a encore deux jours devant nous. On avance. On avance, d'accord? Parce que sinon, on va entrer là. Il est là presque 15h. Oui. J'ai quelque chose... L'explication un peu, oui, dans l'Apocalypse chapitre 9. Apocalypse chapitre 9, il veut poser une question, oui. Oui. Voir Johanna Dionai. Sur le village du Nord, voir un peu. Dans l'Apocalypse 9, oui, par le cinquième ange sonna de la trompette, oui, je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Mmh. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Mmh. Elle ouvrit le puits de l'abîme. Oui. Et il fit manger puis une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Oui. Le soleil et l'air obscurci par la fumée du puits. Mm. Et de la fumée sortiraient des sauterelles. Des sauterelles, oui. Qui se répandirent sur la terre. Mm. Il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir comme le scorpion de la terre. Oui. Il leur fit dire de ne point faire de mal à l'herbe. Oui. Ni de à la terre. Oui. Ni à aucune verdure, oui, ni à aucun arbre, oui, mais seulement aux hommes qui n'avaient, oui, pas le sceau de Dieu sur leur front. Oui. Il leur fit donner, non de les tourmenter, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Oui. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que... Dans la morsure des scorpions. Bon, je voulais l'explication, l'éclaircissement un peu. Oui. Sur, avant l'enlèvement, parce que quel que ce soit... Comme hier, la parole de Dieu était insistée tellement sur l'enseignement. Oui. L'enseignement ne commette pas l'erreur. Exactement. Et je disais que... Donc tu veux savoir si cet événement se passe avant la grande tribulation. Non, c'est la grande tribulation où l'Église n'est pas enlevée. En fait, l'Église est enlevée depuis le chapitre 4. Oui. Donc, bon, on dit que, bon, ici, on dit que ne faites pas du mal à ceux qui n'ont pas... Le sceau de Dieu. Ceux qui sont le sceau de Dieu. Oui. Bon, ceux qui sont le sceau de Dieu, d'autres quand si l'Église est déjà enlevée, oui, il y aura encore une marque. En fait, c'est parce que tu as merci beaucoup. Oui. Merci d'avoir observé sa servité, oui, du Seigneur. Oui. Parce que si tu ouvres le chapitre 7 de l'Apocalypse, là tu te trouves au chapitre 9. Au chapitre 7, il y a les personnes qui sont au nombre de 144 000 qui doivent être marquées de sceaux. On dit 12 000 de chacune des tribus d'Israël. C'est seulement eux qui sont marqués du sceau de Dieu. Durant ce moment-là. Parce que ceux qui sont marqués du sceau ne sont pas marqués du sceau. Bah, ceux de l'église qui sont marqués du sceau ne sont pas marqués du sceau pendant la grande tribulation. Parce que la Bible déclare. Lorsque vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes scellés du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est le sceau. Vous voyez, mais ici, donc maintenant, se trouve dans un nombre de juifs. Là, il ne s'agit pas même pas des nations, c'est le nombre des juifs qui sont marqués du sceau de Dieu. La Bible déclare, j'ai entendu le nombre. Ils étaient 144 000 marqués du sceau. Eh bien, le verset indique qu'on a retenu le vent. Il dit que attendez d'abord, retenez d'abord le vent. Ils vont souffler sur la terre jusqu'à ce que nous soyons marqués. Lis le verset 1. Allons-y. Parce que là, tout à l'heure, tu es parti. Allons-y, avance le verset 1. Le verset 1 oui. du chapitre 9. Oui. Le verset 1 dit le cinquième sceau sonna de la trompette. Oui. Et je vis une. Le cinquième ange pardon, oui. sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel. Voilà, donc quand le Seigneur sonne la trompette. Maintenant, viens au chapitre 7. Le chapitre, le chapitre 7 ou chapitre, non, chapitre 7. Le chapitre 7 de l'Apocalypse. On rentre un peu, oui. Mm-hmm. Alors, verset 1. Les 144 marqués du sceau. Non, ça c'est le titre que tu as lu là. Oui, oui. Mm-hmm. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Oui. Ils retenaient les quatre vents de la terre. Donc, vous voyez qu'on est au chapitre 7. Il y a quatre anges dans les quatre points cardinaux. Ils retenaient, ils attendaient le moment pour relâcher le vent, les tribulations sur la terre. Oui. Afin qu'il ne souffle point de vent oui. sur la terre. Jusqu'à. Mm-hmm. Et ni sur la terre. Oui. Sur la mer, pardon. Oui. Ni sur aucun arbre. Oui. Et je vis un autre ange oui. qui montait du côté du soleil, les vents, oui. et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Non, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Oui. Vous voyez effectivement qui tenait ce sceau-là. De quel côté? Il cria d'une voix. Non, attends. Il était, le ange-là, il est monté d'où? Du côté du soleil. Les vents. Le soleil s'élève où? Le soleil s'élève à l'est, n'est-ce pas? Donc de ce côté-là, oui. Mmh. Mmh. Il cria d'une voix forte oui. aux quatre anges Ange, oui. à qui il avait été donné de faire du mal à la terre oui. et à la mer. Oui. Et il dit Ne faites point de mal à la terre, oui. ni à la mer, oui. ni aux arbres, oui. jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts des serviteurs de notre Dieu. Voilà. Donc vous voyez effectivement que ce sont les serviteurs de Dieu maintenant. Ce ne sont pas les brebis du Seigneur. Parce que les brebis du Seigneur sont mises à l'écart, n'est-ce pas? Nous continuons maintenant. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Oui. 144 000 oui. de toute la tribu des fils d'Israël. C'est clair. On a bien défini qui sont ceux qui doivent être marqués du sceau. 12 000 de la tribu des Zakar, 12 000 de la tribu des Zabulon, 12 000 de la tribu des Neftali. C'est bon. Donc il fallait que ceux-là qui devaient envoyer la tribulation sur la terre attendent jusqu'à ce qu'on mette le sceau sur les nombres bien définis. C'est pourquoi au chapitre 12, donc, quand le sceau va être mis, cet ange-là descend pour ouvrir l'abîme. Pour que le mal donc vient sur la terre. Ça n'a rien à voir avec l'église. Oui, ici, bon. Le verset 9 dit une immense foule de personnes revêtues oui. de robes blanches. Oui. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule oui. que personne ne pouvait compter. Oui. Et de toute nation, de oui. toute tribu, mm-hmm. de tout peuple et de toute langue. Oui. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Oui. Revêtus de robes blanches oui. et de palmes dans leurs mains. Oui. Et ils criaient d'une voix forte en disant le salut est à notre Dieu. Et à notre Dieu qui est à assis sur le trône et à l'agneau. Oui. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants et ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Amen. Quel est le problème maintenant? Bon, le problème était que ici, je saute le verset 13. Oui. Et l'un des vieillards prit la parole et elle me dit. Ceci, d'où vient-il? Ceux qui sont revêtus de robes blanches. Oui. Qui sont-ils venus? Oui. Et je lui dis, je ne le sais. Mon Seigneur, tu le sais. Mm-hmm. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, qui ont lavé leurs robes. Amen. Ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. Amen. C'est là aussi il y a des complications. Il n'y a pas de complications, c'est la partie la plus simple de l'écriture là-bas. On doit comprendre. On doit comprendre. Oui, oui. L'événement se passe devant le trône de Dieu, pas sur la terre. L'événement qu'on racontait, il était question qu'on fasse de mal sur la terre. Le trône de Dieu ne se trouve pas sur la terre. Les quatre êtres vivants ne se trouvent pas sur la terre. Ça se trouve en haut. Donc, le problème, c'est qu'on raconte le film d'une histoire qui s'est développée dans différentes années. On ne met pas le saut directement et directement la grande tribulation s'arrête. Non. Il finit de voir l'aspect des gens qu'on a marqué du saut. Le Saint-Esprit le transporte encore dans une autre vision. Parce que la vision que vous lisez d'Apocalypse chapitre 1 jusqu'au chapitre 22, il a eu pendant 2 ans. Ce n'est pas une vision qu'il a eu une seule fois, il a écrit. Pendant 2 ans où le Seigneur l'a visité. Pour lui donner différents films de ces événements. Alors il dit qu'après cela, après cela, donc ça veut dire que le film du premier film est passé. Donc après qu'il ait vu ceci, il voit maintenant ceci. Donc vous avez vu le mot non, après cela. Après qu'il a fini avec l'événement, qu'il a fini de voir un film concernant les 144 000 et le saut, on lui montre maintenant, on dit devant le trône. Une foule nombreuse de tout peuple, de toute tribu, de toute nation. On dit qu'il était justement surpris. C'est pour ça que le vieil lui a demandé que qui sont-ils. Lui était étonné. Il dit que moi je ne connais pas. Parce qu'il était étonné que ceux-là sont revêtus de votre robe blanche. Mais l'épouse ne peut pas être devant le trône. L'épouse c'est une reine. Parce que son mari c'est un roi. Donc quand le roi est assis, la reine est à côté. Vous voyez, le chapitre 3 d'Apocalypse finit avec les messages aux églises par le mot de la victoire à celui qui vaincra. Les vainqueurs, je le ferai asseoir avec moi sur le trône. Comme j'ai vaincu et je suis assis avec mon père sur le trône. Puis il dit que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Lorsqu'il finit là au chapitre 3 là, le verset 4, chapitre 4 commence par: après cela la voix qu'il avait entendue dit qu'une porte fut ouverte dans le ciel. Et la voix qu'il avait entendue dit: monte ici. Il voit les événements sur la terre, on a donné l'ordre à l'église sur la terre. Quand ça termine par la promesse de l'enlèvement, on lui dit qu'il monte pour voir maintenant ce qui a laissé dérouler. Quand on l'enlève maintenant, il se trouve maintenant à l'intérieur du ciel. Il voit les événements à l'intérieur du ciel. Et souvent, ce qui se passe sur la terre quand l'église part. Si on avait le temps, ça qu'on voit Apocalypse chapitre par chapitre jusqu'au chapitre dernier. Donc, l'église épouse du Seigneur Jésus ne passe pas par la grande tribulation. Parce que hier nous avons vu au chapitre 25 de Matthieu que la Vierge sage est entrée et la porte fut fermée. On dit que les autres, les Vierges folles, sont restées dans les ténèbres du dehors. Ténèbres du dehors ne veut pas dire enfer. C'est les tribulations. Parce qu'il y a les pleurs et les grincements dedans. C'est pour cela qu'il criait que Seigneur ouvre nous. Parce que du moment des tribulations, ils vont crier: Seigneur, Seigneur, deuxième chance. Il a dit: jamais, c'est pas possible. Parce qu'en enfer, tu ne peux pas prier, Seigneur, parce que ça n'a même pas de sens. Donc c'est des tribulations. Vous dites qu'il y a les pleurs et les grincements dedans. Donc c'est ceux-là qui sont restés. Donc maintenant, s'ils ne prennent pas la marque de la bête, ils sont devant le trône maintenant. Mais celle qui est en tant qu'épouse est assise avec le Seigneur. Maintenant prêt à juger. Ceux qui sont sur le trône participent au jugement. Ceux qui sont devant le trône reçoivent les jugements. Voilà. Ça va? C'est simple comme ça la Bible. Vous avez toutes vos questions bibliques posées, oui. Et puis on avance. Je continue toujours parce que... Continue, pasteur. Oui. Je continue parce que dans l'Apocalypse, ça fait 13. Oui. Qui est la bête? Bonne question. Pour savoir qui est la bête. Qui est la bête? Merci beaucoup pour encore la question. Oui. Et je vais pas toucher des choses ici, ça risque de compliquer la vie aux gens. Il y a des choses bibliques pour comprendre, il faut comprendre le langage de la Bible. Et pour comprendre ces choses, il faut donc comprendre le langage prophétique. Et ce sont les prophètes qui définissent ce que Dieu entend. Par exemple, pour comprendre cela, il faut qu'on ait lu le livre de Daniel. Quand vous lisez le livre de Daniel, il voit quatre bêtes qui sont différentes l'une de l'autre. Puis lui-même ne comprend pas. Et puis l'ange vient lui dire, la première bête que tu as vue, c'est un royaume. Vous voyez? Donc quand on va parler de bête, vous allez croire que c'est un éléphant ou bien c'est une panthère. Donc prophétiquement, si on parle déjà de bête, et qu'on en a dit avec le langage de prophétie, ça va être un système sur la terre du gouvernement ou bien du royaume ou bien un roi lui-même, parce que Jésus qui est roi est appelé lion, est appelé agneau. Selon qu'il joue le rôle de l'agneau, il y a une signification derrière l'agneau, parce que l'agneau c'est l'animal faible qu'on peut manger, qu'on offre en sacrifice. Là il joue le rôle de l'agneau. Quand il est lion, le lion représente le roi, celui qui commande, qui impose la force. Quand il vient en tant que lion, c'est un autre attribut. De la même façon, le dragon, c'est toujours un animal. Et là, c'est attribué à Satan. Pas que Satan c'est un dragon, mais c'est son attribut. Jésus n'est pas un lion, mais les caractéristiques du lion lui sont collées. Jésus n'est pas un agneau. Quand vous voyez le mouton, ce n'est pas Jésus. C'est un de ses attributs. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus-Christ passer, il a pointé du doigt. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Quand les gens se sont tournés, ils ont vu un être humain ou un mouton. Ils ont vu un être humain. Mais il appelle l'agneau. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il faut définir d'abord le langage, que les gens comprennent d'abord quand la Bible parle de cette façon. Vous comprenez, n'est-ce pas? De la même façon, quand la Bible parle de façon prophétique en parlant de l'arbre, l'arbre peut se référer aux êtres humains. Parce que dans le psaume 1, il dit que heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des méchants et qui ne marche pas selon la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Puis on dit, il, cet homme, est comme l'arbre, est comme un arbre planté. Donc l'homme est comme un arbre planté. Vous allez dans le livre de Daniel encore. Vous lisez au chapitre 2. Nebuchadnezzar va avoir une vision. Et puis il va même oublier la vision. Les mages et les magiciens ne vont pas pouvoir dire. Mais quand Daniel va entrer dans sa présence, il va lui donner le songe qu'il a eu. Qu'il a vu un grand arbre. Le grand arbre. Daniel explique ce que ça veut dire. Daniel, puis le verset 22, il dit, au roi, ce grand arbre, c'est toi. Donc dans la vision, comme il a vu l'arbre, il croyait que c'était l'arbre de manguier comme ça. L'explication du prophète, c'est que l'arbre te représente. Donc vous comprenez que dans le langage prophétique, l'arbre peut représenter les êtres. Donc on dit une bête, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un animal sur la terre qui va venir, que non. Donc il y aura un système féroce, contrôlé par un être, qui va pousser les gens à adhérer au système écuménique et prendre l'esprit de la religion, appelé la marque de la bête. Donc, ce n'est pas un cachet qu'on va écrire ici, 666, c'est pas ça. Parce que c'est le sceau de la bête, l'esprit de la bête, l'esprit antichrist. Cet esprit qui te pousse à s'opposer à Dieu. Mais physiquement, on ne doit pas voir 666. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un cachet qu'on va brûler ou faire mettre là-bas, que si ça se passe, si c'est comme ça, ça va guérir, ça va finir. Parce que le sceau de Dieu n'est pas mis sur le front. Vous lisez Apocalypse justement. Vous allez voir qu'on va dire qu'il y a aussi les gens devant le trône qui avaient le nom de son père et le nom de l'agneau, le nom nouveau. Écrit sur son front. Donc on va écrire que Dieu ici, que Jésus ici. C'est pas seulement une question. Donc le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne reste pas ici. Vous êtes saint, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que votre âme et votre accord, vous accordez avec le Satan Antichrist, vous prenez son esprit. Vous êtes marqué de son esprit. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc voilà, la bête, c'est un système qui va se positionner sur la terre. Mais après, on parle de deux styles de bêtes. L'une des bêtes qui monte de la terre, l'autre qui sort de la mer. L'un représente les États-Unis, l'autre représente le système papal. Donc il y a le temps de parler de ça. On dit que celui qui sort de la terre parlait comme un agneau, comme quelqu'un qui est innocent, mais en même temps avec l'autorité du dragon. Terrible. Donc si on avait le temps, on devait entrer dans toutes ces choses-là. Mais l'heure à laquelle nous vivons est critique. Critique. Parce que les choses sont alignées. Pour que le Messie entre dans la porte. C'est pourquoi repentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus. Vous tergiversez. Quand on va entrer, vous allez dire que oui, quelqu'un qui va me baptiser au nom du Seigneur Jésus, je ne serai même plus là. Que Dieu vous bénisse. Des questions? Donc si c'est déjà d'enseignement, si vous voulez, même le dernier jour on enseigne là-dessus, si vous voulez poser des questions en profondément là-bas. Parce que je crains d'entrer dans les prophéties là-bas maintenant, Ézéchiel, ainsi de suite, les guerres de Gog et de Magog, et que les gens ne comprennent pas. C'est pour ça que j'ai justement voulu définir le langage prophétique sur l'arbre, sur les animaux comme ça. Voilà. Vous comprenez mes frères? Non, femme. Des questions? Posez toutes vos questions, mais ne vous inquiétez pas. Posez toutes vos questions, toutes. Oui, mon frère. Je voulais savoir quelque chose. Vous parlez de l'âme. Les lames. Oui. Vous voulez que vous parlez un peu concrètement de ce que c'est que l'âme. Oui. Bon, entre temps, la Bible nous enseigne, nous fait comprendre dans le livre de Lévitique. Oui. Lévitique 11, verset 17. Oui. Dans le livre de Genèse 9, verset 4. Oui. Que la vie de tout être est dans son sang. Son sang qui est son âme. Oui. J'aimerais donc savoir quelle est la particularité, la différence entre l'âme, la relation entre l'âme et le sang. Le cœur et le sang. Bonne question. Bon, entre temps, oui. J'aimerais également savoir. Est-ce que, aussi bien que la Bible déclare que s'il y a un corps charnel, oui. Il y a également un corps spirituel. Et ce qui est esprit est esprit, et oui. Ce qui est chair est chair. Oui. Est-ce que, aussi vrai que la vie de toute chair se trouve dans son sang, oui. Est-ce que l'âme, le corps spirituel a également une âme? Voilà. Merci. Bonne question. Donc, prenez ces questions, il faut qu'on réponde à demain et après demain, d'accord? Comme ça, on développe ça. Parce qu'en réalité, justement, si vous lisez la Bible, souvent on confond l'âme même avec le sang. Et même le cœur. Maintenant, il y a des gens qui ont fait la transplantation du cœur. C'est-à-dire qu'on a eu le cœur de quelqu'un, mais chez une autre personne. Si vous aimiez beaucoup le couscous, et qu'on enlève votre cœur, on met chez une autre personne. Est-ce que ça fait que cette personne aime le couscous? Ou bien qu'on enlève votre sang? Remarquez que quand vous allez à l'hôpital, on a besoin de vous donner le sang. On peut prendre le sang même d'une femme, on vous met. On met là le sang d'une femme, d'un homme, parce qu'il faut seulement que le sang colle. Que ce soit le type de votre sang. Et on vous met. Donc vous êtes comme ça. On a peut-être mis le sang de la fille du président de la République. Ou même le sang d'une prostituée. On vous met ça dans le corps. Est-ce que quand vous sortez, vous êtes un homme? Quand vous sortez maintenant, vous allez acheter les perruques avec les mèches, vous commencez à faire comme ça là. Hein? Vous voyez que quand vous levez de la maladie, vous êtes toujours vous-même, n'est-ce pas? Ça veut dire que ce n'est pas votre sang qui vous contrôle. L'âme de chaque personne est unique et identique. Et cette âme-là est identique à vous qui êtes physique comme ça. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, en fait, je vais expliquer cela demain. Quand vous sortez de votre corps, quand vous mourrez, votre âme quitte votre corps. Il y en a trois. Tu es poussière. Et tu retournes à la poussière. C'est à l'homme animal que cette parole est annoncée. Dieu n'est pas fait poussière. Dieu n'a pas été fait à partir de la poussière. Mais Dieu a créé l'homme à son image. Ce n'est pas ceci. Parce qu'il a créé l'homme à son image, puis il a fait l'homme avec la terre. Il a amené cet homme qu'il a créé à son image dans la terre. C'est ce que Genèse arrive. C'est ce que Genèse explique. Donc normalement l'homme est d'abord esprit. Parce que Dieu est esprit. Il a pris l'homme pour mettre dans la terre, dans l'argile. C'est dans cette argile que l'homme a péché. C'est justement le pourquoi lui-même qui est esprit devrait entrer dans une chair semblable au nôtre. Pour nous délivrer de l'emprisonnement de cette chair. Tant que l'homme était son image, il ne pouvait pas pécher. Mais lorsque Dieu l'a mis dans la chair, il a péché. Maintenant, il prend la chair lui-même pour crucifier cette chair-là. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, pourquoi il faut que cette chair. Pour que l'esprit reçoive exactement l'image que Dieu voulait. Vous savez, n'est-ce pas? En fait, la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume. Donc, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu avec cette peau-ci que nous avons. Romains chapitre 8 dit que la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Elle ne le peut même pas. C'est pour ça que Dieu a condamné son fils dans une chair humaine. Maintenant, je vous pose une question. Parce que moi-même, je vous pose une question. La Bible déclare dans Genèse chapitre 5 que le septième depuis Adam, le prophète Enoch a été enlevé. Parce qu'il marchait avec Dieu. Il a disparu littéralement. Où est-ce qu'il est parti donc? Où est-ce que Enoch a disparu, il est parti? On n'a pas dit qu'il est mort. On dit qu'on a enlevé, il a disparu littéralement sur la terre. On dit qu'il n'est plus parce que Dieu l'avait accueilli auprès de lui. Donc il est allé physiquement. Il est parti avec Dieu. Le prophète Élie lui-même, Dieu l'a enlevé, il n'a pas vu la mort. Il marchait comme ça, le chat est venu, il a pris là après. Je vous pose la question, ils sont où? Ils ne sont pas morts avant de partir. Et Jésus vient dans le Nouveau Testament. Il dit que personne n'est allé au ciel. C'est n'est que celui qui est descendu. Avant qu'il ne vienne là, les deux étaient là partis au ciel. Ils sont dans quel style de ciel? Réfléchissez-y. D'accord, réfléchissez-y. Notre Bible là. Si on avait du temps, c'est quand on va vous prêcher comme ça, les cheveux blancs vont sortir sur la terre là. Amen. On continue. Maintenant, on peut commencer, n'est-ce pas? Toute votre attention à ce moment, à partir de ce moment-là. Notez, parcourons la Bible un peu mieux avant de commencer la prière. Notons le psaume chapitre 37. Psaume 37, on va lire cela. Vous voyez, malgré qu'on parle, quoi que celui-là ne l'avait pas entendu, il faut éteindre le téléphone. Il a oublié le téléphone sur lui. Psaume chapitre 37. Notez parce que vous donnez 3 ou 4 passages. Psaume 37. Notez les versets 3, 4 et 5. Psaume 37. Versets 3, 4 et 5. Vous y êtes? Il va encore donner un autre passage. Quand il donne, il dit, il attend comment pour que vous releviez. Dans le psaume chapitre 37, versets 3, 4 et 5. Puis le verset 18 et 19 de ce même psaume. Vous avez noté? Il va encore vous donner directement parce que si même si on ne lit pas, vous allez lire à la maison. Notez Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Le verset 16 à 44. Aya kadi sapo e jego yango chapana inai. Verset 16 à 44. Aya sapo e jego yango chapana inai. Voilà. Notez Luc chapitre 5 aussi. Ko e Luca bo joy. Notez Luc chapitre 5. Luca fasolo joy. Verset 12 à 16. Aya sapo e di yango sapo e jego. Luc chapitre 5, Luca joy, verset 12 à 16. Aya sapo e di yango sapo e jego. Encore Luc chapitre 9. Ah mon frère, Luca sapo, Luca passe le Dieu naï. Verset 1 à 4. Aron ayare man kadi hango naï. Chapitre 10 de Luc. Et kadi Luca fait une sapo. Verset 19. Aya sapo et Dieu naï. Le verset 19 de Luc chapitre 10. Aya sapo et Dieu naï der passe le sapo han Luca. Marc chapitre 16 verset 17 et 18. Marcus sapo et Dieu ko aya sapo et Dieu di. Yango sapo jetati. Voilà, commençons donc à lire le livre des Psaumes. En fuka kadi ha da buraje ni ofu na arana. Tu as une Bible là, frère? Oui, c'est une. Donc, j'ai dit Psaume chapitre 37 verset 3, 4 et 5. D'abord, tu as pas noté je dis aya tasi nai joy. Puis le verset 18 et 19. Amanbo aya sapo e jetati sapo e jere. Luc chapitre 4, Luca fasulu 9 verset 16 à 44. Aya sapo e jego yango haita a chapana ina. Luc chapitre 5, Luca fasulu 10 verset 12 à 16. Aya sapo lui yango sapo e jego. Luc chapitre 9, Luca jenai verset 1 à 4. Aron aya remani yango 9. Luc chapitre 10, Luca sapo verset 19. Aya sapo et Dieu. Marc chapitre 16. Marcus kadi sapo et Diego. Verset 17 et 18. Aya sapo et Dieu. Mais sapo et Dieu. Qu'est-ce que je vous ai donné, n'est-ce pas? Donc, à moi, on doit. Donc, lisons donc le psaume chapitre 37. Djanga kadi, Djabura kadi. Tchapantati. Psaume 37. Entre temps, pendant qu'il va lire ici, là. Pendant qu'il va lire, vérifiez dans votre livre que c'est la même chose que vous lisez. Verset 3, 4 et 7. Version semeur. Version semeur ici, oui. Le verset 3 dit. Mais en l'Éternel, toute ta confiance, fais ce qui est bien. Et dans le pays, tu demeureras en sécurité. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mm-hmm. En Dieu, mets ta joie. Et il comblera les vœux de ton cœur. Vous avez entendu? Dans la version du second que vous avez devant vous, il dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mets à lui là, ta confiance et il agira. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? C'est pas ce qui est écrit chez vous? Oui. Confie-toi à l'Éternel. Et pratique la justice et aide le pays pour demain. Allons-y, mon frère, lis, version semaine. Version semaine, le verset 5. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir. Vous entendez la version semaine, non? C'est à l'Éternel qu'il faut remettre tout ton avenir. Aie confiance en lui et il agira. Aie confiance en lui et il agira. Verset 6. Oui. Il fera paraître ta justice comme la lumière. Oui. Et ton droit comme le soleil à midi. Voilà. Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à lui. Stop. Vous vous attendre à lui maintenant, n'est-ce pas? On faut dire qu'on vient à Mako. Vous me comprenez dans cette salle? Vous êtes fatigué déjà? C'est le premier jour de jeûne. Si vous commencez la fatigue comme ça demain, est-ce que demain vous allez prêcher si vous allez commencer à faire comme ça comme les poules mouillées? Vous êtes fatigué? Alors qu'on n'a pas encore commencé à prier. La Bible dit, je vous ai dit tout à l'heure que je n'ai pas de pouvoir pour faire quoi que ce soit. Il faut qu'il vous connecte à la source de la personne qui fait la chose. Il dit, mets ta confiance en l'Éternel. Fais tes délices. Il va te donner. On n'a pas dit le pasteur va te donner. Il va te donner ce que ton cœur désire, ce que tu cherches. Mets à lui ta confiance. Reste silencieux devant lui. Compte sur lui. Aie confiance en lui. Parce que vous confiez à un homme, vous allez perdre. Parce que l'homme peut dormir, c'est fatigué. fatigué. Mais Dieu a constamment le regard sur toi. Donc il faut faire confiance à celui qui il ne dort, il ne sommeille, il ne dort. Donc restez avec le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Maintenant, fermez la Bible. Je vais expliquer, vous pouvez maintenant contrôler. Je vais expliquer ce qui s'écrit dans le livre de Luc, chapitre 4. Dans le livre de Luc, chapitre 4, donc, verset 16 et suivant. Il allait à Nazareth. Et il est entré dans une synagogue. On lui a donné le rouleau de livre. La Bible déclare qu'il l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où se trouvait dans le livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour annoncer la coupe captive, la liberté. Et aux prisonniers la délivrance. Le recouvrement de la vie, ainsi de suite. Il a dit que ces paroles sont accomplies. Dès ce moment, il a commencé à prêcher. La Bible déclare qu'il partait partout. On amenait les malades. Ils guérissaient. Ils guérissaient. Parmi le peuple. Le mec a parcouru. Au chapitre 9, à partir du verset 4, du verset 1 à 4, il a envoyé ses disciples. La Bible déclare au verset 1 qu'il les a envoyés deux à deux. Il les donna la force et pouvoir pour guérir les malades et purifier les lépreux. La Bible déclare qu'ils sont partis partout. Ils ont chassé les esprits, manifesté la puissance de Dieu. Au chapitre 10, verset 19, il dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire, rien ne pourra vous faire du mal. Donc dans cette marche là, rien ne pourra vous faire du mal. Dans Marc chapitre 16, et il dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris, ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils saisiront le serpent, les serpents ne leur feront rien. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller attraper le cobra pour dire non, moi. Si ça se trouve que le serpent est là, le Seigneur s'assure pour cela. Croyez-vous à ce Seigneur Jésus là? Vous y croyez tout le monde? Fermez les Bibles. Fermez toutes vos Bibles, vous gardez. Là maintenant, on commence la prière. J'ai pas demandé que vous fermez les yeux, ne fermez pas les yeux parce que vous voyez comment, il faut que vous voyez comment ça se passe. Vous me regardez. Ne fermez pas les yeux, c'est pas l'heure de fermer les yeux. Dans le style de prière, si on ne ferme pas les yeux là-dessus. Voilà. Donc il faut que vous ouvrez bien les yeux pour voir comment ça se passe. Alors, quand quelqu'un va vous prendre tout à l'heure, même si vous regardez comme ça, vous ne voulez pas le voir. Si ça vous touche, ça montre qu'il y a quelque chose en vous de contraire à lui. Donc ce n'est pas vous le problème. Ce n'est pas moi le problème. C'est entre eux et lui. Maintenant. Vous êtes prêts à ce qu'on prie? Est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on prie? Amen. Dès qu'on va commencer la prière, là, ça sera parti. Vous êtes là. Et vous qui avez les enfants, ne permettez pas que les enfants dérangent maintenant. Sinon, vous serez vraiment déconcentrés. Celle-ci, assieds-toi, reculez-vous ici, petit garçon. Anne, partez au dehors. Viens là, assieds-toi ici. Toi là, oui, vous deux là, venez, avancez-vous, vous deux qui êtes là, au fond là. On est dehors, pas au hâte. Viens, monsieur le numéro 8. Gardez là. Celle que les oiseaux lui parlent là. Non, voilà, asseyez-vous là. Déposez vos livres, vos portables. On va prier, d'accord? On va prier. Ou bien vous avez peur maintenant? N'est-ce pas vous qui avez dit que vous aviez besoin de prier? Vous avez dit que vous avez besoin de prier maintenant, l'heure de prière, vos cœurs font pom pom pom pom, comment comme ça? Ou bien vous voulez partir avec les démons à la maison? On prie. On prie. Voilà. Souvenez-vous que je ne comprends pas le foufridé. Ni le tout pourri. Mais le nom de Jésus est puissant. Vous comprenez, non? Donc, ça veut dire que je n'ai pas besoin de savoir de ce que vous pensez. C'est Jésus. C'est Jésus. Je ne connais pas quel est le problème que vous avez en particulier. Mais lui, il connaît. Souvenez-vous, on a dit que lorsqu'on se réunit en son nom, il est là, n'est-ce pas? Donc, il est là. Frère, tiens-toi ici. Tiens-toi ici à la porte. Non, non, ne fermez pas. Il faut que le vent entre. Quand quelqu'un va fuir, si quelqu'un fuit... Si quelqu'un fuit, veut sortir. Mais vous aimez le Seigneur, vous êtes là. C'est quand ça va prendre, quand ça va vous prendre. Quand ça va vous prendre tout à l'heure. N'aie pas peur, d'accord? N'aie pas peur. Dites seulement dans votre cœur que s'il y a n'importe quoi entre vous et Dieu, que ça qu'il enlève. C'est seulement la prière. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne craignez pas. Maintenant, je me tiens devant vous pour m'opposer à celui qui vous veut du mal. Donc, s'il y a n'importe quel esprit qui se tient entre vous et Dieu, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, il doit vous laisser maintenant. C'est comme ça. Jusqu'à ce que la nuit tombe, on va prier. Vous avez dit compris, non? Ok, tenez-vous donc debout. Tenez-vous debout. Ne craignez pas, je n'ai pas demandé que vous fermez vos yeux. Vous allez voir ce qui en est passé. Vous allez voir ce qui va se passer, d'accord? Que Dieu vous bénisse. Ma prière, c'est qu'il vous visite. Qu'il vous visite. Et pendant qu'on est en train de prier, si vous avez mal quelque part, mettez seulement la main là-bas pendant qu'on est en train de prier. Dans Romains chapitre 10, verset 13, la Bible déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur, laissez-le, il sera sauvé. Dans le nom de Jésus-Christ, par son nom, on a accès à toutes les grâces du ciel. Vous êtes prêts, les femmes et les hommes? Vous êtes prêts, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord que s'il y a n'importe quel esprit entre vous et Dieu, que ça soit enlevé? Que toute cette puissance de ténèbres qui vous tenait captif, qu'on les chasse. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Ok. On va commencer la prière, d'accord? On peut en tourner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit l'esprit qui se trouve au milieu de ce peuple et qui le tourmentait, je commande qu'il sorte maintenant. Vous voyez comment l'ordre est simple, non? C'est comme ça la prière. Je commande au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit qui ne glorifie pas Jésus dans vos vies, je commande que ces esprits vous lâchent maintenant. Je commande que tout esprit impur qui régnait dans vos vies, je commande que ces esprits vous lâchent maintenant. Je commande que tout esprit impur qui règne dans vos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces esprits vous quittent maintenant. Je commande tout esprit impur qui menaçait vos vies, je commande que ça sorte maintenant. Je commande tout esprit impur en ce lieu qui dérangeait les enfants du Seigneur. Je vous commande de les lâcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit impur qui dérangeait la vie des enfants du Seigneur. Je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom, restez en prière, d'accord? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à tout esprit impur qui vous dérangeait. Je commande que ces esprits vous lâchent maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puissance de fou, de ténèbres qui régnait dans vos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que ça sorte, toute puissance de fou, de ténèbres qui régnait dans vos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ça vous lâche. Sors de cette femme maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toute puissance des ténèbres qui régnait dans la vie de ses enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La prière ne fait que commencer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance des ténèbres qui régnait dans vos vies, je commande que ça sorte maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance des ténèbres qui régnait dans vos vies, je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ça vous lâche maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.

Sors tous tes poisons. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Sors tous tes poisons. Sors tout, tout, tout, tout. On est... Sors, sors, sors. Au nom de Jésus Nazareth. Allez, sors de, sors de. Je commande que tous tes poisons sortent maintenant, maintenant. Allez. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, allez, allez. Au nom de Jésus de Nazareth, prends ça. Amène-la là devant. Non, non, non. Prends, prends. Amène-la devant, amène-la devant. Amène-la. Fais-la passer comme ça. Laisse, laisse. Priez. Priez. Laisse-la passer. Priez. Doucement, doucement. Fais-la passer par ici. Fais-la passer par ici. Au nom de Jésus de Nazareth. Restez en prière. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Maintenant c'est parti là devant. Nom de Jésus Nazareth. Nazareth. comme ça, rien. Nom de Jésus Nazareth. Get là, get son bas. Quitte ton ventre. Quitte ton ventre. Sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Toute puissance des ténèbres qui régnait dans ton corps, je commande que ça te lâche maintenant. Je commande que ça te lâche maintenant. Je commande que ça te lâche maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi, puissant des ténèbres qui régnait dans la vie de cette femme, je t'ordonne au nom de Jésus de Nazareth de la lâcher maintenant. Amen. Amen. Lâche-la maintenant. Amen. Lâche-la, lâche-la, lâche-la. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Lâche-la, lâche-la, lâche-la. Lâche-la, lâche-la, lâche-la. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Amen. Amen. Toute puissance de ténèbres qui régnait dans ton corps. Amen. Je commande l'expulsion maintenant. Amen. Je commande l'expulsion maintenant. Amen. Lâche-la maintenant. Oui, oui. Lâche-la maintenant. Oui, Jésus, oui. Oui, oui. Sors de son ventre. Amen. Amen. Amen. Jésus. Sors de son ventre, sors de son ventre. Jésus. Jésus. Jésus. Sors de son ventre. Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Je libère sa vie. Je commande maintenant. Sors de ce corps. Au nom puissant de Jésus. Tout esprit impur qui régnait dans vos corps, je commande de vous lâcher maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère sa vie. Libère. Libère sa vie. Libère. Libère sa vie. Au nom de Jésus, sors de ta vie. Je commande que tu sors. Je commande maintenant. Libère ta vie. Libère ta vie. Je commande que tu sois sur les prises. Reste! Reste! Basta! Basta! Reste! Basta! Reste! Basta! Reste! Comme poisson qui a enlevé ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Ton corps appartient au Seigneur Jésus. Alléluia. Par le temps des maladies. Alléluia. Toute puissance. Alléluia. Ton corps. Alléluia. Le roi de Dieu. Alléluia. Au nom de l'expression. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout esprit de mort qui régnait autour de toi, tu ne mourras pas. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ton corps appartient au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Par le temple de maladie. Oh, je commande de quitter son corps. Oh, nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Alléluia. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Je suis sort de ce pain. Je déclare de là. Je suis sort de cette vie. Je déclare qu'il libère ce corps. Au nom de Jésus-Christ. Je commence. Ton corps appartient au Seigneur Jésus. Amen. Ton corps appartient au Seigneur Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je commande donc maintenant que toute infirmité disparaisse du milieu de toi. Amen. Que toute infirmité cesse maintenant. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, madame. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Jésus. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Marche maintenant, fais ce que tu ne pouvais pas faire. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Lâche ce corps. Toi puissant des ténèbres. Toi puissant des ténèbres. Hé, hey, lâche-la, lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la! Lâche-la! Sors d'elle! Sors d'elle! Sors d'elle! Sors d'elle! Sors d'elle! Au nom de Jésus de Nazareth! Au nom de Jésus de Nazareth! Au nom de Jésus de Nazareth! Au nom de Jésus de Nazareth! Votre corps appartient au Seigneur Jésus! Au nom de Jésus de Nazareth! Au nom de Jésus de Nazareth! Au nom de Jésus de Nazareth! Au nom de Jésus de Nazareth! Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Je commande de lâcher ce corps. Je déclare au nom de Jésus. Lâche. Je libère ce corps. Je déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je commande de lâcher. Lâche cette femme maintenant. Lâche cette femme, lâche-la. Lâche. Nom de Jésus de Nazareth. Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Toi puissant des ténèbres. Qui régnait dans sa vie. J'ordonne que tu sois d'elle maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi puissant de ténèbres. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas libérer sa corps. Tu vas sortir de sa corps. Et je le déclare au nom de Jésus-Christ. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus de Nazareth. Prends celle-ci. Prends-la, prends-la. Amène-la. Au nom de Jésus de Nazareth. Doucement, doucement, vas-y doucement vers elle. Tu la tiens debout, d'accord? Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Priez seulement comme ça. Toute puissance des ténèbres qui était dans mon corps, que le Seigneur les chasse maintenant, tout simplement. Priez seulement, priez, priez, priez. Toute puissance, tout esprit mauvais, impur dans votre corps, que Dieu les chasse. Que le Seigneur Jésus les chasse. I'm going to go to the hospital. Commandez, toute puissance des ténèbres, tenez-vous debout, tenez-vous debout, toute puissance des ténèbres, vous commandez. Commandez, on va prier. Au nom de Jésus, je commande que tout ce qui est comme un puits dans ta vie sorte maintenant. Au nom de Jésus, je commande que tu sois libéré de toute impureté, de tout esprit de colère. Je déclare maintenant, au nom de Jésus Christ, tu vas libérer sa vie. Je commande au nom de Jésus. Je commande au nom de Jésus. Ce qu'elle a vu comme un coup de colère, je déclare au nom de Jésus. Ce qu'elle a vu comme attaque au sexuel, je déclare au nom de Jésus. Je déclare maintenant que tu vas libérer sa vie. Que tout poison, je déclare au nom de Jésus. Je commande maintenant contre tout poison qui se fait dans son vie. Je déclare au nom de Jésus. Tu vas libérer sa vie. Je déclare au nom de Jésus. Tu vas libérer sa vie. Je commande au nom de Jésus. Je commande, sors, je commande maintenant, que tout poison qui est dans ta vie, sorte maintenant. Je commande au nom de Jésus-Christ. Je commande que tout poison qui est dans ton corps, si vous savez que les sorciers sont attaqués, je déclare maintenant que ce poison sort au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que ce que tu as mangé, sorte maintenant, au poison qui est dans ton corps. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Ordonnez que toute puissance des ténèbres qui régnait dans vos vies, que ça soit expulsé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ordonnez. Quitte son corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors maintenant son corps. Seigneur. Commande maintenant. Je commande. Je commande maintenant. Au nom de Jésus. Quitte encore, quitte encore, quitte cette femme. Quitte-la, quitte-la. Quitte-la, lâche ton corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Libérez sa vie. Comment? Il y a un problème ici. Libère son corps. Il y a un problème ici. Libérez son corps. D'accord. Oui. Tu sais cela. Oui, tu sais qu'il y a un problème ici. Voilà, mets la main, tu restes là-bas. Priez. Commande maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Commande. Au nom de Jésus de Nazareth. Libère ton corps maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, restez calme maintenant. Restez calme. Écoutez maintenant cette voix. Au nom de Jésus de Nazareth. Écoutez seulement cette voix maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Écoutez bien cette voix. Écoutez maintenant cette voix. Au nom de Jésus de Nazareth. Écoutez cette voix. Au nom de Jésus de Nazareth. Ne priez plus, c'est moi qui prie maintenant pour vous. Et ma prière pour vous, c'est au nom de Jésus de Nazareth. Tout poison qui était dans vos ventres, dans vos systèmes, que vous avez consommés, qu'on vous a donné par les charmes, par la sorcellerie, quel que soit le nom qu'on nomme, quelle que soit son origine, je commande au nom de Jésus de Nazareth que ça vous sorte maintenant. Allez, 1, 2, 3, sortez! Au nom de Jésus de Nazareth, tout poison et tout esprit impur dans le corps, je commande, vous n'avez plus le droit de citer dans le corps. Vous n'avez plus le droit de citer dans leur vie. Sors! Sors! Mon frère, tiens-toi là-bas au milieu, à côté de la femme qui est prosternée là. Tiens-toi juste là-bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi poison, toi esprit impur, tu m'entends? Je commande que tu sors. Allez. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Celle qui est prosternée là, mets-lui la main sur son dos. Frère, tiens-toi, la maman qui est en bouche là-bas derrière. C'est pas ici que ça se passe. Vous n'avez pas besoin de vous tourner. Regarde, c'est pas ici que ça se passe. Écoutez bien. Au nom de Jésus de Nazareth, concentrez-vous sur votre propre chose. Je vous ai dit quand ça va commencer, n'ayez pas peur. Je vous ai dit ça, non? N'ayez pas peur. C'est le nom de Jésus qui est combat. S'il y a n'importe quoi en vous qui n'est pas de Dieu, il faut que ça sorte. Sinon, vous ne serez pas libre. D'accord? Pour d'autres, ça va continuer même après la prière. C'est même à la maison, vous allez voir. Cette maman qui est en rouge là-bas, voilà, c'est bien. Tiens-toi à côté d'elle. C'est pas ici que ça se passe. C'est pas à vous que je m'adresse. Au nom de Jésus de Nazareth. Mets juste la main sur ton dos. Voilà, sur ton dos. Merci beaucoup. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève ta main droite, mon cher, toi là. Oui, lève ta main, je vais toucher. Toi, tu tournes derrière toi. Lève ta main droite. Voilà, mets ça sur ta tête. Tu restes juste calme. Reste juste calme, d'accord? Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout esprit impur dans tous les corps ici, je commande que vous libérez les enfants du Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Reste bien derrière cette maman-là. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Asseyez-vous les enfants, asseyez-vous. Au nom de Jésus de Nazareth. Reste juste comme ça. Vous n'avez pas le papier hygiénique pour essuyer celle-ci? Quelqu'un a le papier hygiénique, quelque chose? Il faut qu'elle soit essuyée là, ça coule sur son habit. Au nom de Jésus de Nazareth! Vous voyez, ce sont ces substances qui sont dans son corps, ça la rend malade. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est parti. Allez! Sors de son ventre! Sors sans vente. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors sans vente. Restez en prière. Si vous voulez vous sortir, restez en prière, restez en prière. C'est le moment de prier maintenant. Sors sans vente, sors sans vente. Sors sans vente. Oui, merci. Il faut essuyer son nez là, ça coule. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors du ventre de cette femme. Allez. Allez. Allez. Toi, esprit impur. Toi, esprit impur. Sors de son ventre. Sors de son ventre. Sors. Sors, sors, sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle, sors d'elle. Allez, allez, allez. Allez, tu l'as assez manipulé pour longtemps. Je t'ordonne maintenant de la lâcher. Allez, allez. Sors. Sors. Sors. Tu ne dois pas éviter son corps. Maintenant, c'est ta fin. C'est parti. C'est parti. Allez, allez, allez. Allez, quitte-la, quitte-la, quitte-la. Quitte son corps. Quitte son corps. Allez. Allez. Sors! Sors! Sors! Sors! Allez! Allez! Sors d'elle! Allez! Lâche-la! Toi, esprit méchant! Toi, esprit méchant! Amen! Toi, esprit méchant! Lâche-la, lâche-la, lâche-la! Lâche-la! Lâche-la! Lâche-la! Tu ne peux plus rester! Au nom de Jésus de Nazareth! Tu ne peux plus rester. Je te défie au nom de Jésus. Allez, lâche-la. Tu ne peux pas résister. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, allez, allez. Sors, sors, sors. Allez, c'est parti. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, allez, allez. Au nom de Jésus Nazareth, laisse-la, laisse-la, laisse-la. Il n'y a pas de ciment ici. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Allez, sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Lâche-la maintenant comme ça. Au nom de Jésus Nazareth. Toute puissance. Lâche-la, lâche-la, lâche-la. Ça va se détendre, ça va la lâcher. Au nom de Jésus Nazareth. Toute puissance. Des ténèbres qui régnaient dans vos vies, que ce soit autour de vos reins, dans vos entrailles. Je commande au nom de Jésus Nazareth, au nom de Jésus Nazareth, madame, toi qui es en rouge là, il y a quelque chose dans le ventre. Je te dis, mets ton ventre, il y a quelque chose là, mets ta main, reste comme ça, reste juste comme ça. Au nom de Jésus Nazareth, au nom de Jésus Nazareth, au nom de Jésus Nazareth, au nom de Jésus Nazareth, c'est pas là-bas, c'est pas là-bas. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Il faut que ça soit ôté, n'est-ce pas? Elle comprend ce qu'il dit. Oui. Tu comprends ce qu'il dit? Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche la vie de cette femme. Lâche la vie de cette femme. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la, lâche-la, lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors d'elle. Tu ne peux plus rester. Tu ne dois plus rester dans son corps ne t'appartient pas. Elle appartient au Seigneur Jésus. Allez, c'est parti. C'est lâche-la. Lâche-la. Quitte son corps, quitte son corps. Quitte son corps. Tu es fatigué, mon cher. Un garçon comme toi, tu es fatigué. Allez, allez, quitte ton corps. Quitte ton corps. Tu ne dois plus rester. Tu es démasqué. Tu es démasqué. Tu es démasqué. Tu ne peux pas résister. C'est à toi que je m'adresse. Quitte ton corps, quitte ton corps. Quitte ton corps. Quitte ton corps. Quitte ton corps. Quitte ton corps, quitte ton corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Écoutez cette voix. Au nom de Jésus de Nazareth. Je crois qu'il y a, il faut essuyer là-bas, de ce côté là-bas. Au nom de Jésus Nazareth, mets-lui seulement la main sur le dos là, mets-lui seulement, mais il y a des choses qui vont couler d'elle. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Vous avez dit qu'il faut qu'on prie, non? Début comme ça, au début, vous êtes déjà fatigué comme ça? Mais ils sont en train d'écouter. Ils écoutent. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Relevez celle-là. Relevez-la. Relevez-la. Lève-toi, sois libre au nom de Jésus de Nazareth. Doucement, doucement, doucement, elle est fatiguée. Là, c'est un combat. Doucement, aidez-la, aidez-le à le relever. Doucement, doucement. Vous la placez à un endroit où elle va bien s'asseoir. L'autre qui est là-bas, vous la laissez d'abord. Celle-là n'est pas encore libre. Et aidez-la à la nettoyer. Où sont les femmes là? Où sont les femmes? Les femmes là, venez aider votre soeur. Aidez votre soeur. Les anciens quittez, laissez les femmes là lever. Nettoyez. Les anciens. Nettoyez-la, nettoyez-la. Au nom de Jésus de Nazareth. Ne crains pas, d'accord? N'aie pas peur, d'accord? Donc, c'est une autre personne, c'est pas toi qui m'adresse, d'accord? N'est-ce pas ton ennemi, c'est mon ennemi. Tu es mon frère, non? Je suis ton frère, tu es ma soeur, non? Mais l'autre n'est pas pour nous, d'accord? On enlève. Allez, maintenant. Au nom de Jésus Nazareth! Au nom de Jésus Nazareth! Faites-la s'asseoir doucement, doucement, quelque part. Mettez une chaise là-bas, même la chaise bleue là. Elle s'assoit pour être à l'aise. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Toute puissance des ténèbres qui régnait dans vos corps, qui habitait vos corps, je commande au nom de Jésus Nazareth. Ne vous inquiétez pas que je ne vienne pas là-bas. Je n'ai pas besoin d'être là-bas. D'accord? C'est cette voie-ci qui doit vous localiser. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Écoutez cette voix. Toute puissance des ténèbres. Mets la main là-bas sur le dos, là-bas, elle a le poison. Elle a le poison. Elle a le poison dans le ventre. Sur son dos. Hein. Voilà. Sors. Sors. Elle a le poison dans le ventre. Elle a le poison. Celle-ci a le poison. Sors. Sors. 1, 2, 3, allez, c'est parti. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne dois pas l'empêcher de servir le Seigneur. Allez. 1. 2. 3. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Ça va couler là, même dans son nez. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Quand toutes ces choses sont dans vos corps, vous ne pouvez pas servir Dieu comme il faut. Vous allez, c'est le découragement que vous allez avoir. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez, sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Jésus Nazareth. Jésus Nazareth. Allez. Corps ne t'appartient pas. Nom de Jésus Nazareth. Nom de Jésus Nazareth. Nom de Jésus Nazareth. Nom de Jésus Nazareth. Allez. Nom de Jésus Nazareth. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Nom de Jésus Nazareth. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. N'enlève pas la main. N'enlève pas la main. Il faut que ça coule. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Sors. Sors. Sors. Où est la personne qui nettoyait là? Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Reste là, c'est pas qu'au fini. Reste là. Au nom de Jésus Nazareth. Vous les femmes, mettez la main sur vos ventres. Vous restez juste tranquille. Dites-le cela en fufu. Mettez la main sur vos ventres. Même si vous êtes fatigué, restez. Même si vous ne pouvez pas rester debout, restez assis. Mettez la main sur vos ventres. Quel que soit. Vous les femmes, mettez la main sur vos ventres. Asseyez-vous, mettez la main sur vos ventres. D'accord? Restez juste calme en priant. Mettez la main sur vos ventres. au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. C'est pas fini. Reste là, c'est pas fini. Quand ça finit, je vais vous dire. Nom de Jésus Nazareth. Sors. Sors. Sors. Sors. Nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça va encore sortir là maintenant. Nom de Jésus Nazareth. Nom de Jésus Nazareth. Essuie, essuie. Nom de Jésus Nazareth. Sors. Sors. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Sois prêt à essuyer. Sors. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Toute puissance des ténèbres, toute puissance impure. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Laissez-la maintenant, laissez-la. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Tout esprit impur qui vous tenait entre vous et Dieu, je commande l'expulsion maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors de cette jeune fille. Sors de cette jeune fille. Sors de cette jeune fille. Tu ne dois plus habiter son corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu n'habiteras plus son corps. Elle n'appartient pas à votre royaume. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez. Quitte ton corps. Quitte ton corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, tu n'habiteras plus son ventre. Au nom de Jésus de Nazareth, tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas te cacher. Allez. Au nom de Jésus de Nazareth, le doigt de Dieu est contre toi. Tu n'habiteras plus son ventre. Toi, esprit impur. Toi, esprit de ténèbres. Toi, esprit de ténèbres. Allez, sors de son ventre. Sors de son ventre. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous voyez ce qui habite son ventre, n'est-ce pas? Regardez, observez. Vous voyez là, littéralement, ça bouge dans son ventre. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Vous voyez? Il est livré en spectacle. Il est livré en spectacle. Maintenant, quitte là. Quitte son ventre. Il dit, mettez les mains sur vos ventres. Même si elle n'aime pas quoi qui habite, ça doit sortir. Au nom de Jésus de Nazareth. Quitte son ventre. Tu ne dois plus habiter. Je te commande, je te défie au nom de Jésus-Christ de Nazareth de quitter la vie de cette fille. Maintenant. Elle ne doit plus appartenir à votre confrérie. Elle ne doit plus opérer avec vous. Elle n'appartient pas au groupe de sorcières. Je t'ordonne de la quitter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez. Sors d'elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Son corps ne t'appartient pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors d'elle. Mettez la main sur vos ventres. Dites-le cela en votre langue là. Mettez les mains sur vos ventres. Vous restez juste calme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que le jeûne commence à vous fatiguer, mais vous devez être fort. Comme je vous ai touché là, même à la maison, vous allez voir ce qui va vous arriver. Il y a des choses qui vont sortir au travers de vos parties intimes. Je suis ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te commande de sortir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi esprit qui habite son ventre, lâche-la maintenant. Amène celle-ci devant. Amène-la devant. Doucement, d'accord? Lève-la maintenant, ça va avec elle. Ça va avec elle. Fais-la s'asseoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance des ténèbres qui régnait dans vos vies, j'ordonne qu'elle sorte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit de ténèbres, qui manipulait la vie de ses enfants, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, ça a lieu, ta séparation avec eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Toute puissance des ténèbres qui régnait dans vos vies, j'ordonne au nom de Jésus de Nazareth que ça vous lâche maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Toute puissance des ténèbres qui régnait dans vos corps, vous entendez ma voix. J'ordonne au nom de Jésus de Nazareth que tu lâches les corps de ses enfants. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors de ces moments. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Mets toujours la main là-bas. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi, esprit impur, tu ne dois plus habiter ces enfants. Je t'ordonne au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu peux maintenant prier, n'est-ce pas? Oui. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Soyez restaurés. Soyez restaurés. Mettez vos mains là où vous aviez mal, ou bien n'importe quoi. Mettez votre main au nom du Seigneur Jésus-Christ. Imposez votre main au nom de Jésus-Christ. Parlez-le. Là où vous avez le mal, imposez les mains aux mains au nom du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez restaurés au nom du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui habites ses ventres, je vous commande de les lâcher maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! C'est bon, d'accord. Tu vas savoir que ceci a marché. Voilà. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous pouvez vous asseoir, les hommes, vous pouvez vous asseoir. Mettez juste la main, vous ressentez n'importe quoi, mettez juste la main. Mettez juste la main. Asseyez-vous, mettez juste la main. Et c'est que vous êtes fatigué. Asseyez-vous, mettez juste la main, restez en prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que ces choses qui habitent le ventre de ces femmes s'y sortent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Allez, pas maintenant. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de son ventre. Sors de son ventre. Allez, allez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous la voyez comme calme, vous pouvez savoir qu'elle a quelque chose dans le ventre. Vous la connaissez? Vous louez souvent ensemble ici? Vous chantez souvent ensemble. Ensemble. Avec celle-ci. Ah, c'est ta fille. Mais tu savais qu'elle avait des problèmes. Tu ne savais pas. Donc vous avez la maison ensemble. Tu sais seulement donner la nourriture. Tu donnes la nourriture pour la nourrir et nourrir ce qui est à l'intérieur d'elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment ça va les côtes, tes côtes à toi? Oui. Elle dit quoi? Pardon? Tu comprends ce qu'il dit, papa? Comment ça va tes côtes à toi? Ton côté, comment ça va? Qu'est-ce qu'il dit? Ça va? Ici, les reins là. Au nom de Jésus, regarde là où je viens de mettre les mains là. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout va bien. Tout va vraiment bien. Ok, parce qu'il ne faut pas que tu sortes tout à l'heure là, tu vas me dire que j'ai tel mal. Il ne faut pas que les gens connaissent. Sors. Comment est son comportement à la maison? Comment est son comportement? Je vais vous expliquer quelque chose. Donc, tu passes la nuit à l'extérieur, à l'intérieur, tu ne connais même pas. Donc, tu passes sécuriser les gens, à l'intérieur de la maison, il y a l'ennemi. C'est ici qu'il faut sécuriser d'abord. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Sors. Vous avez peur. Vous ne faites pas les délivrances ici. C'est. Hein, pasteur là. Oui, la délivrance. La délivrance, parce que c'est différent. C'est différent. C'est différent. Vous faites souvent comment? Ce que tu fais là. Oui. Ça a pris beaucoup de temps. Oui. On n'a jamais fait ça. Et vous faites comment alors ici? Oui, on prie. Les gens ont leurs problèmes. Ah, vous priez seulement, vous avez recommandé. Le Saint-Esprit est en train de doigter là maintenant. Oui. Fais le travail là seulement. Amen. Fais. Oui, il veut seulement faire. Ouais. Oui. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait comme ça pour que tout le monde là. Voit. Amen. Tu as parlé de comportement tout à l'heure. Amen. Amen. Amen. c'est clair. Amen. Donc, soyons disposés, d'accord. Voilà les gens qui se comportent très mal. Ne craignez pas. T'as coulé, les sections qui sont confusées, ils sont possédés de ces trucs. Et ils viennent pour te déranger que tu pries encore. Ils partent comme ça, ils font les choses pour ramasser les esprits pour venir te déranger. Une fois, les esprits ont commenté tout à l'heure les esprits, les simplicités. Oui. Les filles chez livres. Oui. Les jeunes chez livres. Oui. Et cet esprit, c'est de l'offre, c'est de l'offre. Et tu prêches contre ça et ils font toujours ça. C'est ça, c'est vrai. Voilà, je ne cache pas, ouais. C'est la réalité. Mais il faut que ça change cette fois-ci. Ça change. Il faut que ça change. Amen. L'église de Dieu est saint, c'est un peuple saint. Donc il faut qu'on vive dans la sainteté. Oui. Quand on dit à quelqu'un aujourd'hui que le comportement des enfants à la maison, c'est comment? Oui. Ça s'enflamme de problèmes. Oui. Ça s'enflamme de tout. Oui. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi, mademoiselle, lève-toi. C'est libre. Venez, où sont les femmes là? Viens, aide-la. Aide-la doucement. Elle est fatiguée. Doucement. Doucement. Essaye. Ou bien elle était partie où? Elle était partie où? Amène-la doucement. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors, toi, esprit impur. Toi, esprit impur. Toi, esprit impur. La jeune fille ici. Elle a besoin de la confession. Vous me suivez? Elle a besoin de la confession. Donc vous devez l'amener pour qu'elle s'ouvre. Pour que ce qui a amené ceci ne puisse plus se répéter. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Vous comprenez ce que veut dire confession, non? Voilà. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Prends sa main, tu mets sur son ventre, son propre ventre. Au nom de Jésus de Nazareth. Voilà, lâche. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne dois plus habiter dans son corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte là maintenant. Quitte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Allez, tu ne dois plus rester. Tu ne peux plus rester. Tu es démasqué, toi esprit impur. Tu n'habiteras plus son ventre. Toi esprit impur. Tu ne dois plus habiter son ventre. Tu es l'esprit du serpent. Tu es l'esprit du serpent, tu es démasqué. Tu es le serpent, tu n'as plus habité son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais elle ne s'est jamais plainte chez vous qu'elle a quelque chose comme un problème. Elle ne s'est jamais plainte, mon cher. Il demande à son père, puisque son papa est là. Mais ça, c'est pas la règle de l'eau. Vous avez vu son ventre bouger dedans, non? Les règles ne font pas bouger le ventre. Non, donc, c'est soit l'enfant qui est dans le ventre, ça bouge comme ça, et ça, c'est pas l'enfant. Soit c'est quelque chose qui habite là-dedans. Si vous allez chez le médecin, on fait le scanner, vous n'allez rien voir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Quitte son ventre, quitte son ventre! Quitte son ventre! Quitte son ventre! Ne vous inquiétez pas, j'ai pris avec cette mission de prier pour vous, dans mon cœur, d'accord? Si le Seigneur me dit n'importe où, je vais y aller. Sors! Sors! Mon cher, quand on prie maintenant, qu'est-ce qui est passé dans son corps? Dans ton corps, lève-toi, toi. Parle en patois, il va entendre. Tu as que... Ok, tu vas parler en français. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps? Qu'est-ce qui marche? Ça t'est dégagé. Oui. Maintenant, comment tu te ressens? Bien maintenant, n'est-ce pas? Maintenant, c'est... le problème est réglé. D'accord? La connexion avec cet esprit est coupée maintenant, d'accord? Ne crains plus rien. Mais maintenant, marche dans la sainteté. Parce que le problème, c'est que tu as signé alliance avec ça, la femme, cette fille-là, c'était une sorcière. Et c'est même la chef même de la sorcellerie, de l'équipe des sorciers que tu as signé comme ça. C'est pour ça que n'importe où, et en plus tu as donné ton nom, c'est pour ça qu'elle peut te retrouver n'importe où. Maintenant, elle peut te toucher, d'accord? C'est le Seigneur Jésus qui est maintenant avec ton corps. C'est le Seigneur Jésus qui est maintenant avec ton corps. C'est le Seigneur Jésus qui est maintenant avec ton corps. Assieds-toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Il y a des décisions que tu avais décidé de prendre maintenant concernant même toutes ces choses des femmes-ci. Il y a des décisions, une autre décision que tu avais prise maintenant concernant toujours la femme. Lève-toi, va, vite, je parle. Au nom de Jésus de Nazareth. Il dit maintenant, il y a des décisions que tu as prises. Reste casé maintenant. Ne va plus hors. Tu as compris? Il dit, tu es maintenant casé, tu es maintenant dans un endroit. Reste seulement là-bas, d'accord? C'est de l'eau, c'est ta citerne maintenant. C'est seulement ta citerne. Donc tu n'as plus cherché autre. Voilà. Au nom de Jésus de Nazareth. Quitte son ventre. Quitte son ventre, quitte son ventre, quitte son ventre. Quitte son ventre. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Même pour mettre la main sur le ventre, les gens ont mis la main, ils se sont fatigués, ils ont encore enlevé la main. Même étaient assis. C'est une semaine. Ce que vous vous enfermez, si on va prier même deux jours. Même si vous dormez, on prie seulement. Donc on prie moins d'une heure, vous êtes déjà fatigué. Même assis, vous êtes toujours fatigué. Avec la main sur le vent, vous mettez la main, vous êtes fatigué, ça enlevez encore la main. Que le Seigneur vous fortifie, d'accord? Amen. Donc même quand vous êtes assis, là vous mettez la main. Depuis le matin, moi je suis debout. Depuis hier, je suis debout. Donc mettez juste la main. Pourquoi tu mets la main là-bas? Pourquoi tu mets la main? Oui. Mais tu as dit toi, là. Qu'est-ce que je lui ai demandé tout à l'heure? Il a dit quoi? Qu'est-ce que je lui ai demandé? J'ai touché l'endroit sinon chez moi. Il a dit que toi, comment ça va ici à côté? Elle dit ça va bien. Maintenant, depuis là, elle a fait comme ça. Elle sent le douleur là-bas. Elle dit que mais c'est comme si ça fait mal. Mais donc ça dit qu'en temps tu étais bien, maintenant tu sens mal. Mets la main là-bas. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Sors. Toi esprit impur, esprit de serpent, tu quittes son corps, tu quittes son corps. Maintenant tu quittes. Tu quittes maintenant. Allez, lâche-la maintenant. Lâche-la. Lâche-la, lâche-la, lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. La femme qui a le truc orange sur la tête là. Celle qui a le truc orange, celle-là. Là, celle que je parle de celle qui est orange, elle-même se tourne. Voilà. Celle-là. Oui, comment va ton ventre, toi? Elle comprend ce qu'il dit. Ah oui, tout bon. Pire bon, elle a comme il aura. Voilà, elle est. Il dit qu'il y a quelque chose qui est au niveau de sa poitrine, et puis l'autre aussi, c'est au niveau serré. Et dans ce cas, comment on a dû prier? Vous êtes comme ça. Lève-toi. Vous aussi. Mets la main là-bas. Donc je dis que celle qui a le truc orange sur la tête, elle se tourne, elle cherche la personne qui a le truc orange. Alors que c'est elle qui a le truc orange sur la tête. Quitte son ventre, quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son ventre, quitte son ventre. Quitte son ventre. Au nom de Jésus de Nazareth. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Sors. Sors. Sors. Sors, sors, sors, sors. Sors. Tout ton corps, tout ton corps. Tout ton corps. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Sors, sors, sors. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Sodel. Au nom de Jésus Nazareth. Allez. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Lâche cette fille maintenant. Lâche-la, lâche-la. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors. Sors. Sors. Sors. Allez, c'est parti. C'est parti. Maintenant, quitte là. Quitte là, quitte là. Quitte-la, quitte-la, quitte-la. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Souvenez-vous, il faut qu'elle se confesse. Il faut qu'elle confesse. Sors! Sors! Sors! Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors! Tu es étonné de ce qui arrive à ta fille? Tu es étonné? C'est elle qui maintenant il faut sécuriser. C'est elle qu'il faut sécuriser maintenant. Dans la nuit, maintenant, veille pour elle comme ça. nom de Jésus de Nazareth. Vous n'allez pas aller servir les gens, vous détruire votre propre famille. Vous ne devez pas faire cela. Votre première responsabilité, c'est la maison. Vous devez mettre votre maison en ordre. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. S'il n'est pas libre, si, tant qu'il n'est pas libre, il ne peut pas la lâcher. Parce que s'il la lâche, l'esprit là va revenir, même cette fois. Donc, il faut qu'elle soit libre. Quitte ses rêves maintenant. Elle comprend le français. Hein? Un peu. Elle comprend. Au nom de Jésus de Nazareth. Donc, qu'elle ne sort pas d'ici et rentre à la maison sans, tant qu'elle n'a pas causé avec vous. Dès qu'elle va se lever, il faut que vous amenez quelque part, vous causez. Il faut que son père soit là. Elle a besoin de la confession. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève-la, elle est libre. Lève-toi, tu es libre. Doucement, aidez-la à la lever. Il ne sait pas ce que les femmes font aussi. Même pour lever les soeurs, elles ne veulent pas le faire. Mettez la main donc sur vos ventres, vous tous ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui est dans vos corps, dans vos ventres, dans votre système, qui est impur, je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ça vous lâche. Vous devez servir le Seigneur comme il veut. Vous allez servir le Seigneur en esprit et en vérité. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Toute puissance qui régnait dans vos corps, tout blocage dans vos ventres, je commande que vos ventres s'ouvrent au nom de Jésus. Je commande que vos ventres s'ouvrent au nom de Jésus. Je commande que vos ventres s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que vos ventres s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute douleur disparaisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Quand la douleur, là, quand ça monte, ça va t'étouffer, même ça va tout, ça, petit à petit, ça va monter tout, étouffer ta poitrine. Voilà, Seigneur, pour le Seigneur, on va dire, c'est très bon, regardez les gens. Si ça fait comme ça, il faut que tu te couches sur ton ventre, même dans le lit, avant d'être à l'aise. Ah, donc, laisse nous papa, c'est comme ça, nous sommes soutenus, là, oui, on ne soupire pas. Elle dit quoi? Oui, oui, ça se passe comme ça. Tu penses que qu'est-ce qui a causé cette douleur? Même à côté d'elle, elle parle, il n'entend même parce qu'elle dit. Parce qu'elle ne sait pas. Bah, c'est comme ça que tu parles dehors, là, quand tu es dehors. Tu parles doucement que vous voulez me mettre là, vous voulez me mettre là. Au nom de Jésus que c'est Nazareth. Au nom de Jésus que c'est Nazareth. Au nom de Jésus que c'est Nazareth. Au nom de Jésus que c'est Nazareth. Je commande que tout ce qui te bloquait, la respiration, tout ce qui bloquait ton ventre, que cette douleur disparaisse au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors d'elle. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Mets la main là, reste juste tranquille. Reste juste tranquille comme ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Restez toujours seulement avec la main. Donc maintenant, la douleur donc vient d'où maintenant? Comment tu ne sais pas? Mais tout à l'heure, comment ça va? Tu dis ça va bien? Quand tu n'as pas de douleur. Mais ça a commencé à me faire du mal. Ça a commencé à te faire du mal. D'accord. Maintenant, voici ce que tu vas faire. Lève-toi. Marche vers la porte. Tu dis je marche au nom de Jésus Christ. Tu pars, tu rentres là-bas. Tu pars là-bas. Tu pars encore, tu rentres. Allons-y. Marche au nom de Jésus Christ Nazareth. Marche. Voilà, il marche au nom de Jésus-Christ. Marche comme un militaire, comme un agent de sécurité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marche, marche au nom de Jésus. Tu marches encore, tu pars et puis tu reviens ici. Marche au nom de Jésus-Christ. Tu vois comment il marche comme un agent de sécurité, non? Avec les rangers, la sécurité au pied. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Voilà. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Viens t'asseoir maintenant. Une accusation injuste. On accuse quelqu'un qui l'a fait quelque chose, que la personne n'a pas fait cette chose-là. Donc on accuse quelqu'un que cette personne a fait une chose, alors que cette personne n'a pas fait cette chose-là. De quoi est-ce qu'il est question? Reste debout toi. Reste debout jusqu'à ce que cette chose-là te touche. Bon, ça va mademoiselle? Ça va, viens, lève-toi. Comment tu te sens maintenant? Je me sens libre. Libre? Oui. Quand tu es entré, qu'est-ce que tu ressentais? Ça faisait mal. Oui. Mais qu'est-ce que tu penses qui s'est tourné dans ton ventre? Je ne sais pas, les choses tournent, c'est les ventres. Ça tourne, ton ventre est devenu marché. Ça tourne, c'est les ventres. Ça tourne. Ça tourne, ça enlève même ta main sur ton ventre. Oui. Donc tu mets ta main, et vous voyez, n'est-ce pas? Vous avez vu comment elle a mis la main, c'est chaud, bousculer son ventre. Mais tu as l'enfant dans le ventre. Mais c'est l'enfant qui fait souvent comme ça, qui botte le moment comme ça. Qu'est-ce qui poussait ta main à partir de ton ventre? Tu penses que c'était quoi? C'était des démons. Les démons? Oui. Bon, tu as amené avec les démons doivent habiter ici. Hein? Quand tu dors, c'est comment? Quand tu dors, qu'est-ce que tu rêves? Quand tu dors, qu'est-ce que tu rêves? Chaque fois. Je rêve. N'aie pas peur, d'accord? Écoutez très attentivement. Je suis en train de vouloir parler parce que j'ai appelé ce nom-là là-bas quand il priait pour elle. D'accord? Qu'est-ce que tu rêves? Je rêve avec le serpent jaune. Avec le serpent jaune? Oui. Qui fait comment? Le serpent jaune. Parle à haute voix, écoutez très attentivement. Viens te. Viens à côté de moi. Oui. Et qu'est-ce que ça fait? Ça me pique. Ça te pique? Oui. Et ça entre? Oui. le serpent qui habitait son ventre. Donc assieds-toi, que Dieu te bénisse. Donc après ça, elle va devoir parler. Donc c'est le serpent qui habitait son ventre comme ça. Donc je crois que si vous vous entraînez ici dans la prière, le Seigneur va commencer à utiliser chacun de vous comme ça. Parce que maintenant le feu là est allumé sur vous. Le feu est allumé sur vous. Mais il y a parmi les femmes là-bas, celles dont la bouche bavarde, si elle entend ici, elle va donner deux là-bas. Dans la bouche bavarde comme les mitrailleuses des militaires. Donc il faut qu'elles apprennent seulement à garder leur bouche. Mais Dieu va les utiliser aussi. Dans les songes, le temps que vous avez acquitté pour aller bavarder là-bas, priez pour l'église. Priez pour les autres. Quand vous vous rassemblez, ne parlez pas des gens. Priez. Donc quand vous vous quittez pour aller voir une soeur, allez seulement pour prier. Dieu va vous visiter. Si quelqu'un qui vient vous raconter le nom de quelqu'un, dis que non, ma soeur ne veut pas participer au péché. Si tu as quelque chose contre la personne, va le rencontrer, vous régler ça. Ne participez pas au péché d'autrui. Donc si quelqu'un vient vous raconter que telle personne a fait comme ça, pose-lui la question. Est-ce que tu lui as parlé? Parce que la Bible déclare que ton frère a péché contre toi. Va et reprends-le seul à seul. Parce que si tu commences à aller dire, c'est la calomnie. Ce sont ces choses-là qui font disparaître l'onction. Vous comprenez? Donc, ne permettez pas que quelqu'un vienne vous raconter le nom de quelqu'un. Si quelqu'un raconte, tu lui dis, tu as fini. Prions pour la personne dont tu as parlé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui n'est même point à la mort, qu'il prie. C'est ce que la Bible recommande. Et Dieu accordera la repentance à ces personnes. Donc vous n'aidez pas en parlant contre la personne. Ça, c'est pour les femmes qui sont en train de parler. Donc réglez ces problèmes-ci. Veillez-y. Que vos bouches ne soient pas pour la calomnie, pour la prière et les actions de grâce. D'accord, mes soeurs là, vous entendez, n'est-ce pas? Donc désormais, devenez une femme, des femmes de prière, des femmes de conseil. Si vous passez le temps dans la prière, vous n'aurez pas le temps de parler de Congo ça. Vous serez une bénédiction pour les autres. La Bible déclare dans Proverbe 14 que la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la détruit de ses propres mains. Donc ne soyez pas les femmes insensées. Soyez les femmes sages. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, toi qui es debout, mets la main là-bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que tu quittes cette femme. Je commande que tu quittes cette femme. La femme qui vient d'entrer, là, celle qui est en blanc, celle qui est debout là, ton ventre, comment tu ressentais ton ventre toi aussi? Tu sens mal. Mal. Pendant qu'on a dit de prier, qu'est-ce qui s'est passé? Ça faisait comment? Ça faisait croc croc. Il y a le croc croc dans ton ventre. Le crabe habite dans ton ventre. Tiens-toi ici au milieu. Tiens-toi au milieu que son ventre fait croc croc. Mais je ne peux pas comprendre. Elle est en train de marcher là-bas depuis ça. Tiens-toi là. Je suis en train de la surveiller. Elle marche, mais je regarde son ventre a des problèmes. Mais elle est en train de faire les activités là-bas. Je suis en train de la surveiller. Pendant que je suis en train de parler à celle-ci, elle fait ses activités. En même temps, son ventre dit croc-croc. Elle fait les activités, son ventre continue croc-croc. Ça ne lui dit rien. Elle ne se pose pas la question. Est-ce que c'est normal que mon ventre fait croc-croc? Mets ta main non sur ton ventre qui fait croc-croc. Dis que toi qui fais croc-croc. Je te dis au nom de Jésus, ne fais plus croc croc. Ne fais plus croc croc. Dès qu'il ne fait plus croc croc. Toi-même, quand on fait croc croc, tu le laisses dedans qui fait que croc croc, c'est quoi? Je pensais que comme depuis que je suis petite, j'ai le verre de femme. Tu as le verre de femme, le verre de femme font croc croc. Bon, en fait, ça m'arrête souvent. Ça te fait croc croc. Mets la main là-bas, que c'est croc croc. Mm-hmm. Croc croc, tu sors de ton ventre maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. D'accord, il faut que ça s'arrête, d'accord? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte ton ventre. Quitte ton ventre. Quitte ton ventre. Quitte ton ventre. Quitte ton ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Tu entends cette voix. Je t'ordonne de quitter son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Son ventre n'est pas votre marché. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son ventre, lâche son ventre. Tu as assez duré dans son ventre. Maintenant, lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Sors. Sors de son ventre, sors de son ventre. Sors de son ventre. Sors de son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Sors du ventre de cette femme. Tu entends ma voix. Je te commande de sortir de son ventre. Tu vas lâcher le peuple du Seigneur. Tu vas lâcher le peuple du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son ventre, quitte son ventre. Quitte son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quitte son ventre. Ça va, mademoiselle, ça va, d'accord? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça n'avait fait croc, croc, croc, d'accord? Croc, croc. Il n'y aura plus de croc, croc, croc, croc. C'est normal que le ventre de quelqu'un fait croc, croc, croc, croc. Tant que tu penses que c'est normal que le ventre fait croc croc. C'est pas normal, n'est-ce pas? Voilà. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute douleur, toute infirmité et toute maladie dans ton corps, je commande leur sortie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande leur sortie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur Jésus-Christ vous restaure. Qu'il restaure votre corps, votre âme et votre esprit. Qu'il restaure votre foyer. Qu'il restaure votre vie. Que vous preniez de l'envol comme de l'aigle. Qu'il renouvelle votre force. Et que vous preniez un nouveau départ avec lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous le serviez en esprit et en vérité, dans la sainteté, et que votre cœur soit disponible pour lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça va, d'accord? Vas-y maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le papa qui avait mal là, aux côtes là, maintenant touche maintenant tes côtes, comment ça va maintenant? Maintenant ça va, la douleur est partie où alors? Quand tu marchais maintenant, comment, où, c'est parti où? Comment il a enlevé alors? Comment il est venu pour enlever? Est-ce que j'ai prié pour toi? Il m'a prié pour toi. Il m'a dit que tu marches là-bas, tu vas là-bas, tu reviens, tu pars, tu marches. Est-ce que j'ai prié pour lui? Je n'ai pas prié. Tout à l'heure, j'ai dit, il y a une accusation. On accuse quelqu'un d'avoir fait quelque chose. Cette personne n'a pas fait quelque chose. Je suis parti. Et puis, je suis parti pour te laisser le temps de réfléchir. Tu as réfléchi? Votre femme est où? Appelez-la. Viens. Ça va, maman? Bonne arrivée, d'accord? Je parle, tu essaies de traduire. J'ai dit à ton mari qu'il y a une accusation, on accuse quelqu'un d'avoir fait quelque chose. Cette personne n'a pas fait cette chose. Il semble ne pas comprendre. Toi, tu comprends ce qu'ils sont de lui dire? Donc, bon, maintenant, quand elle entend, elle a compris ce qu'ils sont de lui dire. Donc, parce qu'entendre, c'est une chose. Comprendre, c'est une autre chose. Ça veut dire savoir de quoi ils sont de parler. Donc, une discorde à cause de l'accusation. Quand tu as ce chag Billy, tu fais maga à chaque endroit. Une discorde de point de vue. Vous comprenez ce qu'il dit, n'est-ce pas? Oui. Donc une discorde à cause d'un point de vue, donc c'est une accusation. Il est question d'une accusation. Cette accusation, c'est la personne qui n'a pas fait la chose. La question, c'est de quoi est-ce qu'il est question? Vous comprenez? Tu comprends ce qu'il dit maintenant? Donc avant quand le John can ou soit le Wiga, à John le cano. Ça c'est pas du tout en fait c'est noir. Ah non, ça rien c'est quoi? De quoi est-ce qu'il est question? Amta ding mais c'est là. C'est le chef ici qui est concerné. De quoi est-ce qu'il est question? Tu penses que ça peut être quoi? Un chef. Tu es le chef, non? Je n'arrive pas. Tu comprends ce qu'il a dit? Qu'il n'arrive pas à comprendre ce qu'on a entendu dire. Là, c'est pas d'après ma maman. Tout va bien. Le roubat tout l'envoie avec lui. La décanera fin pour l'envoie à fin ma garde et la tana d'un tir pour ma bangara en bas là. Donc, n'aie pas peur qu'il va faire la sécurité sur toi. Hein. Il ne doit pas sortir t'influencer que tu m'as vendu là-bas. Pourquoi tu as parlé de ça là-bas? Donc, il faut qu'on règle certaines choses. Parce que lui, il travaille. Auparavant. Parce qu'il avait dit que lorsqu'il va maintenant prendre son salaire dans son lieu de service, il va acheter tout pour elle. Pour tout, et tout ce qu'elle voudra, elle pourra lui acheter cela. Et tout ce ça, c'est la promesse qu'elle ne travaille pas encore. Oui. Maintenant, comment elle travaille? Donc maintenant, tout ce qui devait manquer à la maison, lui, il devait le faire. C'est ce qu'il avait dit. Et quand il a maintenant pris son argent, il n'a pas réalisé exactement ce qu'il avait dit. Oui. C'est quoi le langage? Et c'est là qui a causé maintenant un problème entre eux. Tu savais qu'il y avait un problème comme ça? Bon, ne parlons pas de ça, d'accord? Ce qui est là, peut-être c'est dans son cœur, moi je ne... Toi tu ne savais pas? Je suis libre, pourquoi? Parce que moi je ne tiens pas quelqu'un dans le cœur. Tu ne tiens pas quelqu'un dans le cœur? Mais tu ne connais pas qu'elle est en train de t'accuser comme ça là? Tu ne savais pas, elle ne t'a pas parlé cela? Bon, Bon, maintenant, qu'est-ce que tu as décidé maintenant avec ton argent? Selon ce qu'elle pensait maintenant, c'était que si il prend son argent, il doit réaliser exactement les vœux qu'il avait. Oui, et que s'il ne réalise pas, il fait comment? Quand il voit l'argent, il fait comment? Et comment ça arrive maintenant? Pour elle, elle pourra dire simplement comme c'est l'argent qu'il a trouvé selon dans son travail. Mm-hmm. Si il ne me donne pas, ça va. Mais intérieurement, quand elle ressent une douleur, mm-hmm. ça lui fait mal. Mm-hmm. Donc il faut la résolution ici, d'accord, de ce problème-ci. Donc quand tu parlais, tu dis que mamie, quand il veut traverser Dieu, il veut te mettre en haut. Laisse. Il veut te faire comme Chantal Bia. Maintenant, quand l'argent entre maintenant, tu dis ah, tu déranges. Et voilà ton chéri comme ça. Là, c'est pas ton chéri ici. C'est pas elle. C'est elle. Mais comment on fait quelque chose comme ça là? On commence à t'accuser, tu dis que tu ne connais pas. Lève-toi alors, lève-toi. Je vais voir moi si tu t'as acheté ton chéri. Lève-toi. Tu sais que quand tu l'apprenais, quand elle était encore jeune, quand tu faisais des manières pour qu'elle t'aime beaucoup, non? C'est pas ça. Tu lui donnais des cadeaux. Maintenant, quand elle est dedans, tu dis que tu déranges. Arrête ta chérie, tu dis que je vais te réaliser. C'est devant l'église maintenant que tu le dis. Parce qu'il faut que ta promesse soit tenue. D'accord? Elle souffre de cela. Arrête ta chérie, tu dis que chérie, je vais te donner ça. Il faut suivre ces couples-ci, d'accord? Il faut suivre ces couples-ci. Donc, il faut que tu tiennes la promesse, d'accord? Donc, le prochain salaire entre ses mains pour qu'elle puisse résoudre les problèmes de maison. Dieu va te bénir. D'accord? Assieds-vous. Accompagne-la, elle s'assoit là-bas. Sois gentil, accompagne ta chérie. Elle s'assoit. Voilà. Elle s'assoit. Comment tu viens t'asseoir? Que Dieu vous bénisse. Vous savez, il y a des hommes qui marchent avec les femmes comme ça. Ils sont loin devant, les femmes sont loin derrière. Il ne veut pas que les femmes marchent à côté d'eux. Il dit qu'elle marche là-bas. Mais quand il est en train de les draguer pour prendre pour femme, il fait tout et tout pour être à côté d'eux. Maintenant, quand il prend, il dit qu'il reste là-bas. Votre femme est la personne la plus précieuse. Vous devez prendre soin. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5 que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'église jusqu'à donner lui-même sa vie pour elle. On dit que c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme. Oh, les hommes, vous m'entendez? C'est comme ça que vous devez aimer vos femmes. Vous devez aimer vos femmes au point de donner votre vie pour elles. Votre femme n'est pas seulement là pour préparer la nourriture. Lavez vos habits. Et se coucher au lit avec vous. Elles ont besoin de votre tendresse. C'est ressentir son importance à côté de vous. Il ne faut pas seulement qu'elle soit là, vous dites que passe ici. Les hommes m'entendent. Donc, vous allez prendre l'engagement d'aimer vos femmes comme Christ veut, non? N'est-ce pas les hommes? La Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 3, au verset 7, la Bible dit que le mari doit honorer sa femme. Il dit, si vous faites ça, il y a l'harmonie entre vous. Rien ne fera obstacle à votre prière. Donc aimez vos femmes comme Christ aime l'église. Si vous prenez votre salaire, vous ne donnez pas votre femme. Vous cachez ça de votre femme. À qui de vous allez donner? Puisque c'est une partie de vous. Si vous le faites du mal, c'est à vous-même que vous faites du mal. Vous comprenez? Voilà. Sinon, vous allez mettre les mauvaises pensées, les mauvaises idées dans la vie de vos femmes. Faites votre confiance à votre femme. Quand vous êtes en Christ. Sinon, vous allez commencer avec les coutumes. Vos traditions. Que si il lui fait confiance, elle va me tuer, elle va prendre l'argent. Ne faites pas ça. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7. Que la Bible ne soupçonne point le mal, l'amour ne soupçonne point le mal. L'amour n'est point envieux. Il ne se réjouit pas du mal. Il ne cherche pas son intérêt. Mais l'amour pardonne tout. Donc c'est l'amour qui doit vous lier. Et le bon lieu pour expérimenter l'amour, c'est dans le foyer. Si dans le foyer, vous ne vous entendez pas votre femme, avec qui devez-vous vous entendre? C'est pourquoi la Bible déclare que la première église des évêques de son foyer. On dit qu'il ne sait pas diriger lui-même sa propre maison. Comment peut-il diriger l'église de Dieu? Donc aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Respectez-les. Honorez-les. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous, le Seigneur vous a touché. Souvenez-vous, le Seigneur vous a touché. Souvenez-vous, le Seigneur vous a touché. Demain, on va se rencontrer à quelle heure, le matin ou bien comment? Entendons-nous maintenant. Il se fait déjà nuit. Beaucoup d'entre vous, vous êtes là. D'autres gens vont probablement aller au service. Il y a les écoliers aussi. Donc, il y a les écoliers qui vont à l'école le matin. Il faut qu'on peut-être déjà de 15h. 15h. Les 15h, les gens sont déjà de retour. 15h30. Donc, 15h, c'est bon. Est-ce que 15h c'est bon qu'on se réunit demain à partir de 15h? Pour ceux qui pourront être là déjà, on commence. Parce que 15h, vers 18h, la nuit va déjà commencer à tomber. Et si vous sortez de vos travaux et autres là, vous serez fatigué. Et avec le jeûne encore, vous serez fatigué. Soyez sérieux avec ce jeûne, ça va vous produire quelque chose. Restez dans la prière. Ça va marcher. Même si vous m'écoutez maintenant et que vous n'avez pas pris le jeûne d'aujourd'hui, prenez à partir de demain. Faites 2 jours. 2 jours de jeûne. Après ça, vous allez voir un autre nouveau spirit. Mais durant ce moment, restez dans la repentance. Dans la repentance. Ne priez pas pour votre enfant. Ne priez pas pour votre travail. Pour la maladie, ne priez pas. La repentance. La repentance. La repentance. Demandez pardon à Dieu. Pour toutes les fois où tu as frustré quelqu'un. Pour toutes les fois où tu as menti. Où tu as dit des paroles blessantes aux gens. Demande pardon. Demande pardon à Dieu. Pour toutes les fois où tu n'as pas cru à sa parole. Où tu t'es fâché de lui. Demande pardon. Demande pardon. Il faut que ça soit nettoyé. Quand ça sera nettoyé, la voie sera ouverte pour dire n'importe quoi à Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Dans Proverbes chapitre 28, verset 13, il dit celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc il faut avouer les transgressions, les délaisser, donc abandonner ce que tu faisais. On dit donc la voie de la miséricorde est ouverte pour toi. Donc pendant ces 2 jours de jeûne, restez dans la prière de repentance. Et maintenant, après cela, pendant que vous allez vous réunir, même pendant les 3 prochains mois, parlez de repentance dans le cadre général. Prosternez-vous devant lui. Criez à lui dans la repentance pour vous ensemble. Dieu va vous visiter. Dieu va vous visiter. Dieu va vous visiter. Ne négligez pas cela. Dieu va vous visiter. C'est la voie de la porte ouverte. C'est la voie pour que les écluses s'ouvrent pour vous. La repentance. La repentance. Donc demain 15h30, 15h, on se rencontre ici. D'accord. Mais vous autres, que ces mains s'y ont touchées. Peut-être vous n'êtes pas tombé ou tremblé ou bien crié comme les autres. Mais quelque chose s'est passé en vous. Peut-être je ne vous ai pas appelé comme j'ai appelé les autres là pour leur dire ce qui ne va pas. Mais quelque chose s'est passé en vous. Et vous allez savoir quelque chose s'est passé dans votre corps. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Rentrez en paix. Restez dans la prière. Dans la repentance. Jusqu'à ce qu'on se rencontre ici demain. Je vous recommande dans sa grâce puissante, sous sa protection, et que ses regards soient toujours sur sur votre famille. À compter d'aujourd'hui, qui est une nouveauté de vie avec vous, que vous marchez sous sa grâce, qu'il marche au devant de vous, pour veiller sur vous, qu'il vous protège et qu'il vous prend sous ses ailes, afin que vous soyez toujours pour lui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Saluez-vous les uns les autres alors que nous rentrons. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée, à demain. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mon cher. Que Dieu te bénisse. Ça va? Que Dieu te bénisse. Lève-toi, tu peux marcher maintenant, non? Comment va ton ventre? Tu peux respirer? Tu peux respirer? Ne t'inquiète pas. D'accord? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Non, elle est devenue enceinte maintenant. Elle est assise sur la chaise là-bas. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse, mon frère.